Ouais, ouais. Mon flow, synonyme du corps à corps. Mon gros toujours hardcore. Plat du boucan, vol à ma horde. On met d'accord, légitime comme un pare-balles. La malie des carpates. Pour tous ceux au carflamme, son tremet la tate pas. Illégal concept, fait criant en concert. Original, Kim, ça, c'est pour tous les confrères. Nique la bac et leur quête-quête. Pour les dealers, quête-quête. 2000 juste un quête-quête. Sur la mif en pleine quête. Mon ami dans le rap game, j'te la mets. TPH, mon armée à notre âge à l'armée. Sarko et ses noix de merde. Oui, mon viol, là, c'est moi le maître. Présenté, obligé de l'admettre, 4-5 représentants. 4-5 représentants.